C'est un double anniversaire cette année pour les plus élémentaires des particules. En 1969, Murray Gell-Mann recevait le prix Nobel de physique pour avoir prédit l'existence des quarks. Et 10 ans plus tard, il y a 40 ans, sous les conseils de John Ellis, on démontrait expérimentalement l'existence des gluons au CERN. Alors comment peut-on arriver à démontrer l'existence de particules aussi petites? Comment s'organisent-elles pour former l'ensemble de la matière connue et du modèle standard de la physique? Et surtout, comment être sûr qu'il s'agit bien là de la plus petite échelle des composants élémentaires? Quarks, la particule ultime, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre, absolument tout, à la façon dont ont été théorisées, découvertes et puis organisées ces particules élémentaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour. Bonjour. C'est directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école polytechnique et Sébastien Descotes-Génon. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire de physique théorique d'Orsay. Mais avant de plonger à l'échelle élémentaire, l'actualité macroscopique des sciences et de la recherche, c'est avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la découverte d'un mécanisme physiologique jusque-là inconnu. Pendant le sommeil, le liquide cérébrospinal du cerveau fluctue par vagues. Le liquide cérébrospinal, c'est ce fluide dans lequel le cerveau baigne. On sait que ce fluide protège le cerveau et qu'il joue un rôle important pour éliminer les déchets métaboliques. Mais c'est la première fois que l'on observe son fonctionnement et surtout ce processus de pulsation nocturne. Les chercheurs de l'université de Boston aux États-Unis ont combiné deux approches. 13 participants, de 23 à 33 ans, ont dormi dans un IRM et avec un EG, un électroencéphalographe. Dans les résultats parus dans la revue Science, on découvre que, pendant le sommeil paradoxal, le liquide cérébrospinal, les ondes cérébrales et le flux sanguin se synchronisent. Maud Baudouin-Gobert est chercheur postdoctoral en neurosciences au Centre de recherche de neurosciences de Lyon. Ils ont montré qu'en fait, il y avait donc les oscillations neuronales qui sont mises en évidence par l'EG, qui sont ensuite suivies par des oscillations qu'on va dire hémodynamiques, c'est-à-dire le flux sanguin qui était mesuré par l'IRM, et puis qui sont aussi couplées par ces oscillations du liquide céphalo-rachidien qu'ils ont mesuré dans les ventricules. Ils font le lien entre cette activité électrique mesurée par l'EG, l'activité et puis ce liquide céphalo-rachidien qui, lui, est produit en permanence. En fait, c'est un cycle fermé. Et là, ils ont montré des oscillations dans la diffusion de ce liquide céphalo-rachidien. Pour l'instant, ce qu'ils mesurent, ils ne l'expliquent pas. Et pareil, ils ne disent pas non plus que sous prétexte qu'ils l'ont mesuré dans le sommeil paradoxal, on puisse dire d'emblée qu'il est présent partout. Pour l'instant, en soi, c'est déjà, je trouve, une approche, enfin, un apport tellement important. Cette preuve de concept a été faite chez des volontaires sains qui sont jeunes et ce sera vraiment très intéressant de pouvoir le mettre en évidence ou non, ce phénomène, chez des patients qui sont atteints de pathologies qui vont modifier le sommeil, comme par exemple certaines maladies neurodégénératives. Donc c'est vrai que c'est une application que les chercheurs mettent tout de suite en avant dans leur article en disant que ça va être un débouché vraiment très important pour mieux comprendre les pathologies qui ont des troubles du sommeil paradoxal. Je pense que vraiment ça va déboucher sur des avancées intéressantes, que ce soit sur la compréhension des mécanismes du sommeil en conditions physiologiques chez les personnes qui n'ont pas de troubles, mais en même temps sur l'apport que ça peut nous apporter sur la compréhension des pathologies. Et on passe au bref. Dans le Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, un nouveau sous-groupe du VIH vient d'être découvert. Cette nouvelle souche est une mutation du sous-type L du groupe M du VIH1. Le VIH1 est le plus répandu, il représente la quasi-totalité des infections mondiales. Et en 19 ans, c'est la première fois qu'on observe cette mutation. Le laboratoire américain Abbott a réussi à l'identifier dans des échantillons grâce aux nouvelles techniques de séquençage plus précises. C'est une découverte importante hein, car les nouvelles souches, c'est ce qui permet au virus d'échapper au traitement. Cela va aider les virologues à mieux comprendre le fonctionnement du VIH. La France va collaborer avec la Chine pour l'exploration de la Lune. Le CNES et l'Agence spatiale chinoise viennent de signer un accord. La sonde Chang'e 6, qui va allunir sur le pôle sud de la Lune en 2023, va embarquer avec elle un instrument français, DORN. DORN est élaboré par les chercheurs de l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Il étudiera les taux de concentration de radon, un gaz radioactif présent sur le sol lunaire, afin de mieux comprendre les mécanismes de dégazage. Et selon une étude parue dans la revue Global Change Biology, si les objectifs de l'accord de Paris ne sont pas respectés, les manchots empereurs disparaîtront d'ici 2100. Et dans cette étude, les chercheurs du CNRS et de l'Institut océanographique Woods Hole montrent les conséquences des fontes de glace en Antarctique sur les populations de manchots empereurs. Plusieurs scénarios. Si la température moyenne de la planète augmente de plus de 2 degrés Celsius, la fonte des glaces de mer va tripler, ce qui entraînera la disparition d'un tiers des colonies de manchots empereurs d'ici 2100. Et selon le pire scénario, celui où aucune mesure n'est prise pour réduire le rythme du réchauffement climatique, donc si rien ne change, l'extinction de cette espèce sera totale d'ici la fin du siècle. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Toutes les études qui ont été citées sont à retrouver comme chaque jour sur la page de l'émission sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. C'est une longue aventure que nous allons vous raconter aujourd'hui. Aventure faite de prédictions, de théories, d'avancées technologiques qui perfectionnent les accélérateurs de particules, de désintégration et de structuration de ce qu'on appelle désormais le modèle standard de la physique. Comment les physiciennes et les physiciens du XXe siècle ont-ils réussi à descendre aussi bas dans l'échelle des composants de la matière en l'absence de toute possibilité observationnelle directe ? Je vous propose d'écouter la voix de Murray Gell-Mann, prix Nobel de physique il y a 50 ans cette année, pour sa prédiction de l'existence des quarks, avec une petite explication de texte dans la foulée. Les particules qui obéissent au principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire une particule de ce genre-là, ne peut pas tolérer la présence d'une autre particule du même genre dans un seul état quantique. Ces particules-là s'appellent fermions. Les fermions qu'on a découverts appartiennent à des familles. Une famille consiste en deux saveurs de quarks à trois couleurs chacune, un électron et un neutrino. Dans la première famille, on a l'électron ordinaire, son neutrino et deux saveurs du quark. Les quarks qui constituent grossièrement le proton et le neutron. Les quarks ordinaires, si vous voulez. Bon, dans la deuxième famille, il y a un électron 200 fois plus lourd qui s'appelle le muon, son neutrino et encore deux saveurs de quark. La troisième famille possède un électron extrêmement lourd, le tau, son neutrino et encore deux saveurs du quark qui s'appellent T et D. Alors, le quark le plus massif, c'est le T. C'est celui qui vient de découvrir dans le labo. Voilà Murray Gell-Mann, ici en 1995, dans La science et les hommes sur France Culture, le regretté Murray Gell-Mann qui nous a quittés au mois de mai dernier. Alors peut-être une petite explication de texte pour comprendre de quoi il est question et de quoi vient de parler justement ce prix Nobel de physique qui a prévu l'existence des quarks, Raphaël Granier-Cassagnac. 1995, c'est la fin d'un très long chemin. C'est la date à laquelle on découvre le dernier des quarks, comme il vient de le dire, le quark top. Donc je pense qu'il va falloir remonter dans le temps un peu pour voir d'où toutes ces histoires-là. Donc 1995, le quark top, il restait plus que le boson de Higgs à découvrir, qui a été découvert beaucoup plus récemment en 2012. Donc voilà, c'est le moment un peu où le modèle standard se ferme, où on a découvert toutes les particules. Donc il manquait le Higgs qui a été découvert en 2012, mais qui a été découvert en 2012. Donc c'est un peu la fin de l'histoire. Sébastien Descotes-Genoux. Un mot sur la voix et sur Murray Gell-Mann, sur ce que vous entendez. D'abord, je suis très impressionné par sa maîtrise du français. C'est tout à fait remarquable. Et ceci est tout à fait remarquable qui vous a décrit en quelques mots simplement les éléments de base qui constituent la matière et qui résument parfaitement tout ce que nous savons à l'heure actuelle du point de vue des constituants. Après, il y a les interactions qu'il y a entre ces constituants, mais tous les constituants y sont en quelques instants. Et on va vous mettre tout de suite d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour suivre cette émission avec un tableau sous les yeux, ça pourra vous aider justement un petit tableau des particules élémentaires et des interactions sur, pareil, notre fil Twitter et sur le site de la méthode sur franceculture.fr. Si on remonte le temps, puisque c'est ce que nous allons faire au cours de cette heure pour comprendre comment on est arrivé à comprendre et à structurer cette matière dans ce modèle standard de la physique des particules, on peut dire, Raphaël Grenet-Cassagnac, qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une sorte d'émulation, presque une course à la particule en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, il y a juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les accélérateurs de particules et dans les rayons cosmiques, les physiciens se mettent à découvrir une foultitude de particules nouvelles. Alors, peut-être en faisant un pas en arrière, en 1930, on savait qu'il existait le proton et le neutron, les électrons et les photons, en gros, c'est à peu près tout. Et avec ça, on peut fabriquer toute la matière qu'on connaît, tous les atomes, toute la table de Mendeleïev. En 1935, un physicien japonais qui s'appelle Yukawa avait intuité l'existence d'une nouvelle particule qu'on appelle le pion et qui est responsable de la cohésion des protons et des neutrons à l'intérieur des noyaux. Particule qui a été découverte peu de temps après dans les rayons cosmiques avec tout un tas d'autres choses. Et donc effectivement, je peux pas résister à citer une petite référence, c'est qu'il y a un papier de 1944, donc on est en pleine guerre mondiale en France, deux physiciens français, l'héritier et le prince Ringuet, donc le prince Ringuet qui a donné son nom au laboratoire, qui a fondé et donné son nom au laboratoire dans lequel j'exerce, ont vu dans les rayons cosmiques des nouvelles particules, c'est un peu les premières, des nerfs composantes des rayons cosmiques, dont la masse est intermédiaire entre l'électron et le proton, donc c'était complètement inattendu à l'époque. Et ça, c'est peut-être la première fois qu'on a commencé à entreapercevoir un quark, en fait. Bon, on savait pas du tout que c'était des quarks, on va y revenir, mais c'est peut-être la première fois. Peut-être on peut dire qu'effectivement, après cette Seconde Guerre mondiale, donc on va y venir, il y a en plus une émulation entre les États-Unis d'une part et l'Europe de l'autre côté dans cette course aux particules, et qu'il y a des travaux qui sont des travaux quasiment similaires. On a entendu Murray Gell-Mann, mais on va évidemment parler de George Zweig aussi et de ses travaux. Oui, au CERN. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers des collisions de plus en plus énergétiques dans des accélérateurs ou via des rayons cosmiques, donc ces particules qui viennent de l'espace, on a commencé à avoir tout un tas de nouvelles particules, donc c'est ce que Raphaël mentionnait, et ce zoo des particules commence vraiment à la fois ravir, mais aussi inquiéter beaucoup l'ensemble de la communauté, parce qu'on commence à avoir une explosion, donc on voit apparaître des muons, des kaons, des pions, des lambda, on commence même à être à court de non, parce qu'on commence à se poser la question, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de théoriciens vont vouloir essayer de continuer un petit peu cette approche réductionniste qui commence déjà à Mendeleïev et qu'on continue à voir aboutir progressivement, c'est-à-dire de trouver des sous-constituants pour simplifier cette complexité apparente. Et ce qui se passe, c'est que pour expliquer les propriétés, les masses de ces nouvelles particules qu'on a vues apparaître, eh bien, il y a à la fois Gell-Mann d'un côté et George Zweig de l'autre qui vont proposer une vision en sous-constituant. Donc Gell-Mann appelle ça des quarks, Zweig appelle ça des as, de façon à essayer de décrire toutes ces nouvelles particules. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc des quarks tout au long de cette heure en compagnie de Raphaël Grenet-Cassagnac et de Sébastien Descôtes-Genon. Peut-être qu'on peut redonner quelques éléments de compréhension pour entrer à l'intérieur du noyau atomique et de la constitution des constituants des hadrons que sont les quarks. Les hadrons sont donc les protons et les neutrons. Il faut peut-être rappeler ce que c'est et comment on commence à comprendre l'interaction forte, Raphaël Grenet-Cassagnac. Alors, l'interaction forte, c'est donc si on prend les protons et les neutrons qui sont collés ensemble dans les noyaux, s'il y avait que l'interaction électromagnétique, dont l'électricité et le magnétisme, ça tiendrait pas, simplement parce qu'ils ont les mêmes charges et donc la même charge. C'est comme sur un aimant, ça s'éloigne. Exactement. Voilà. Donc il fallait autre chose, une autre interaction. Donc c'est comme ça qu'on a intuité l'existence de cette interaction, qui a eu plusieurs incarnations. Donc la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les pions à assez grande échelle. Et puis donc maintenant, quand on rentre à l'intérieur des protons et des neutrons, où on sait qu'il y a ces briques élémentaires que Sébastien vient de mentionner, les quarks qu'intuitaient Gell-Mann et Zweig dans ces années-là, il faut aussi les coller ensemble. Et donc, il existe une nouvelle incarnation, si je puis dire, de l'interaction forte, qui est la chromodynamique quantique, qui est une théorie assez complexe, qui implique qu'il y ait de nouvelles particules, les gluons, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui collent les quarks ensemble pour former ce qu'on appelle les hadrons. Alors, il y a les protons et les neutrons dans les hadrons, mais en fait, plein d'autres. Et le gros génie de Gell-Mann et de Zweig à l'époque, c'est d'avoir compris comment à partir de trois briques élémentaires, donc il y a le up, le down, c'est les deux premiers quarks. Les quarks, oui. Les deux premiers, c'est qui sont les plus courants. C'est les plus courants, c'est ceux à partir desquels on peut essentiellement faire des protons et des neutrons. Et puis un nouveau, qu'on appelle le quark étrange. On l'appelle le quark étrange par extension de l'observation que tous les hadrons, les premiers hadrons qui contiennent un quark étrange avaient des propriétés bizarres. En gros, leur temps de vie était trop long pour être... comme les autres, quoi. Et donc voilà, donc tout le génie de Zweig et de Gell-Mann, c'est d'avoir compris qu'à partir de ces trois particules élémentaires, avec des règles mathématiques qui sont assez complexes, hein, on peut fabriquer toute la zoologie des hadrons. Alors il y a, comme Sébastien le disait tout à l'heure, les pions, les lambda, les caron, et puis très vite dans ces années-là, on est à court même de lettres grecques pour les nommer. En fait, tous ces hadrons, ce sont des configurations spéciales de ces briques élémentaires que sont les quarks. Alors les quarks, on peut peut-être le dire tout de suite, même si ça va être découvert au fur et à mesure, mais aujourd'hui on dit qu'il y en a 6 saveurs. Effectivement, c'est ce que d'ailleurs Gell-Mann mentionnait dans son interview. Donc ce qui se passe, c'est qu'on les a découvertes progressivement parce qu'elles sont de plus en plus massives. Et donc il a fallu de plus en plus d'énergie pour être capable de les produire et de les observer. L'intérêt aussi, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, comme c'était mentionné, ça s'organise d'une façon très structurée puisque le up et le down sont les plus légères. Et qu'ensuite, on va avoir deux autres quarks qui ont des propriétés très similaires, les mêmes charges électriques, par contre des masses différentes, plus élevées. Et ensuite une troisième. Le strange et le charme, absolument. Et une troisième famille, avec le top et le bottom, qui eux aussi ont les mêmes charges électriques, mais des masses encore plus lourdes. Qui sont beaucoup plus rares. Comment est-ce que Gell-Mann et Zweig aboutissent l'un et l'autre à cette idée, à cette intuition qu'on peut descendre d'un niveau dans les constituants élémentaires de la matière, Raphaël Grane-Cassagnac? C'est en constatant un ordre sous-jacent dans ce qu'on appelle le spectre de toutes les particules vues. Donc, à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure, il y a une avalanche de particules qui sont observées dans les accélérateurs de particules, dans les rayons cosmiques. Et au début, on ne les comprend pas bien. Il y en a plein avec des charges différentes, avec une étrangeté différente. Et en commençant à essayer de les classer, donc on fait par exemple la liste. Je peux même donner une anecdote. Tiens, moi, je fais découvrir à mes étudiants un toucher du doigt un peu la chose. Par exemple, il y a certaines de ces particules, il y en a 4 à un certain niveau qui n'ont pas d'étrangeté. Il n'y en a plus que 3 qui ont une étrangeté de 1. Il n'y en a plus que 2 qui ont une étrangeté de 2. Et à chaque fois, on gagne une quantité de masse qui est la même. Donc, en déduire qu'il y en a plus qu'une qui a une étrangeté 3, c'est ce qu'ont fait Gell-Mann et Zweig. Donc, c'est cet ordre sous-jacent, c'est comprendre que derrière le bordel des particules qui y avait à cette époque-là, il y a en fait quelque chose de très simple. Alors, très simple, très élémentaire, en fait assez compliqué dans les règles qu'on utilise pour les fabriquer, qui résume tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je viens de le dire, ça a un pouvoir prédictif, c'est-à-dire que à partir du moment où on a compris l'ordre sous-jacent, on se rend compte, et c'était la même chose pour le tableau de Mendeleïev, voilà, qui manque des cases, en fait, et on peut dire aux expérimentateurs, donc Gell-Mann et Zweig étaient des théoriciens, on peut dire aux expérimentateurs, essayez de trouver cette particule-là. Donc, dans l'exemple que je donnais, c'est le oméga moins, qui est une particule qui est fabriquée avec 3 quarks étranges, assez rares. Allez la chercher dans vos accélérateurs et on la découvre, ce qui donne une assise à la théorie qui est assez forte. Sébastien Descotes-Genon, un mot peut-être pour comprendre, parce que la charge, la masse, le spin, on en reparlera tout à l'heure, tout ça c'est des notions qu'on peut comprendre assez bien. L'étrangeté, c'est une notion qui est plus compliquée à intégrer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, alors disons que c'est un nombre qu'on a introduit en fait pour expliquer certaines réactions, c'est-à-dire que les particules dont on a parlé, qui ont été observées dans des réactions au niveau des collisions au niveau des accélérateurs dans les rayons cosmiques, ensuite se désintégraient et suivaient des règles qui établissaient assez bien que certaines désintégrations étaient possibles et pas d'autres. Et donc on a eu recours à un nombre pour justement dire ces réactions sont autorisées du fait de ce nombre qui serait conservé au cours de la réaction. Donc de même que la charge électrique est conservée, il y aura un autre nombre qui serait conservé, qu'on a appelé étrangeté, et on a commencé à donner un nombre à chacune de ces particules. Et ensuite, on s'est aperçu que l'existence de quarks sous-jacents permettait d'expliquer très simplement ce nombre en disant que c'est simplement le nombre de quarks étranges à l'intérieur de ces particules observées. À la fin, c'est beaucoup plus simple que la masse ou le spin. En fait, c'est juste le nombre de quarks strange qui sont effectivement constituants du hadron en question. Qu'est-ce que, peut-être un mot tout de même, si, parce que ça aussi, ça fait partie de la poésie. Donc, pourquoi est-ce que finalement c'est Gell-Mann et c'est la conception de Gell-Mann qui a prévalu sur celle de Zweig? Parce que Zweig, rappelons-le, George Zweig travaillait au CERN, il publie début 64, il appelle ça des ACES, des AS. Pourquoi est-ce qu'on conserve finalement les quarks au détriment des AS? Qui veut répondre à ça? Raphaël. À part que ça vient en fait d'un vers d'un poème de James Joyce qui s'appelle Finnegan's Wake. C'est la première fois que le mot quark apparaît, c'est de la poésie, hein, c'est dans Finnegan's Wake. Quarks on Mr. Mark. Exactement. Et y a dans ce poème l'idée que c'est une petite partie de quelque chose, donc c'est une résonance comme ça. À part cette raison-là que moi je trouve très bonne, je sais pas si c'est pour ça qu'à l'époque, Gell-Mann a triomphé. Non, je pense qu'il y a eu des questions aussi de personnalité, de volonté d'aller vers les communautés pour mettre en avant les travaux. Il y a aussi une autre chose qui n'explique pas complètement, mais je pense que tous les deux ont été assez inquiets presque peut-être de la validité physique. C'est-à-dire qu'au début, cette notion-là de quark était plutôt vue comme un intermédiaire mathématique. C'est-à-dire que non seulement ça permettait d'avoir accès à un certain nombre de propriétés comme la masse, mais ça permettait aussi de faire des prédictions sur la dynamique de ces particules. Donc il y a des choses qui portent des noms barbares comme l'algèbre des courants qui utilisait ça comme un outil, presque une sorte d'artifice. Quand vous lisez les articles, c'est presque l'impression que ça donne. On va utiliser ça en chemin et après on oublie comment on l'a obtenu et on va simplement regarder le résultat, et ça c'est la physique. Et c'est seulement progressivement que a émergé l'idée que non, c'était pas simplement quelque chose de mathématique, c'était quelque chose de physique. Donc je pense que ça aussi, ça a eu pour effet de faire que l'intégration de cette notion était seulement progressive dans la communauté. Oui, parce que effectivement, au début, cette théorie, elle n'est pas très bien acceptée, elle est un peu même rejetée, on va dire, par la communauté des physiciens, Raphaël Granier-Cassagnac. Oui, bah les quarks, ils apparaissent un peu comme un artifice mathématique pour construire les édifices qu'on voyait à l'époque. C'est pas comme dans le tableau de Mendeleïev où un proton, on peut l'observer tout seul, donc le proton qui est le noyau de l'hydrogène, on peut l'observer tout seul dans la nature. Les quarks, on les observe pas à l'époque. On sait construire à partir de ce petit triangle, ces trois petites briques-là, tout le spectre des particules, enfin des hadrons vus à l'époque, mais on n'en voit pas des quarks. Donc il y a de bonnes raisons de douter, selon le vieil adage qui dit qu'on croit que ce qu'on voit. À l'époque, ça n'apparaît vraiment presque comme un artifice mathématique, et il faut du temps, et puis à la fin des expériences qui vont taper sur les quarks à la fin, pour être sûr qu'ils ont une réalité physique. Alors effectivement, on se retrouve en fait avec les quarks parmi ces grandes prédictions théoriques du XXe siècle qui vont finir par rencontrer une réalité observationnelle, et c'est ce qui rend cette physique du XXe siècle aussi passionnante et aussi impressionnante également. Les premières preuves observationnelles, on verra et on expliquera d'ailleurs tout à l'heure pourquoi on n'observe pas de quarks seul et on n'en observera vraisemblablement jamais, mais néanmoins on commence à avoir des preuves observationnelles en 1968. Sébastien Descôtes-Genon. Oui, donc en fait, ça c'est toujours la même idée d'aller sonder la matière à des distances de plus en plus petites. Donc là, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des projectiles de plus en plus énergétiques. Avant, bien avant la physique des particules, ce qu'on allait utiliser, c'est de la lumière de plus en plus énergétique avec un pouvoir de pénétration de plus en plus grand. Là, ce qui a été fait, en fait, c'était ce qu'on appelle la diffusion profondément inélastique. Donc, on va utiliser des électrons et on va les accélérer très fortement pour leur faire taper des protons et voir si jamais on aperçoit des rebonds qui indiqueraient qu'il y a quelque chose à l'intérieur, et on s'aperçoit qu'effectivement le comportement du proton quand on le soumet à ce bombardement d'électrons, eh bien ça n'est pas quelque chose de complètement ponctuel sans structure, il y a bien des sous-structures à l'intérieur qui correspondent à une vision en termes de trois quarks. Raphaël Granier-Cassagnac. Ouais, donc c'est des petites billes de taille infinitésimale devant la taille du proton et dont la charge est bien définie. Donc on trouve bien qu'il y a à l'intérieur des protons et des neutrons des quarks, donc dont la charge est plus de 2/3 ou moins 1/3 de la charge élémentaire. Et c'est ça qui assoit un peu dans l'esprit des gens le concept de quark. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Gell-Mann a eu le prix Nobel l'année d'après, en fait. En 69. Ça se passe à Stanford, ses premières observations. Ouais. Stanford qui va être très important en termes de physique des particules. Le problème, c'est que, alors là aussi, il faut voir l'échelle, c'est-à-dire l'échelle du proton. On va voir, et on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, de ces problèmes de masse qui continuent à rester. C'est-à-dire que la masse des quarks n'est pas équivalente à la masse du proton. Mais c'est qu'on ne comprend pas toujours, à ce moment-là, les raisons de la cohésion des quarks quarks à l'intérieur du hadron. Et pour ça, il va falloir 10 ans de plus, il va falloir trouver justement une nouvelle particule. Comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on finit par comprendre et arriver à penser ces particules qui n'en sont pas exactement au sens où le sont les quarks? Alors, Sébastien Descolgenon. Il y a en fait la rencontre de plusieurs idées. C'est-à-dire que on se dit, bon, il faut effectivement expliquer comment est-ce qu'il y a une cohésion à l'intérieur entre les quarks à l'intérieur du proton. Et pour ça, donc, on va essayer de récupérer des idées qu'on a vues qui marchaient par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une interaction qu'on sait déjà très bien décrire à l'époque. C'est l'électrodynamique quantique, donc l'électromagnétisme, mais au niveau quantique. Et donc là, on va se dire, on essaye de bâtir une théorie similaire, de façon à expliquer l'interaction forte. Pour ça, il va falloir donc avoir des objets qui sont responsable de la discussion entre les quarks, donc ça va être des gluons qu'on va faire intervenir, tout comme le photon est responsable de l'interaction entre des particules électriquement chargées. La deuxième notion... Ou le boson à un autre niveau. Voilà, tout à fait. Et la deuxième notion qu'il faut avoir, c'est un équivalent d'une charge électrique. C'est-à-dire que la charge électrique, c'est ce qui marque qu'un objet est sensible à l'interaction électromagnétique. Il faut avoir aussi une charge différente pour montrer que les quarks sont sensibles à cette interaction qu'on appelle forte, parce qu'on voit bien qu'elle retient fortement les quarks à l'intérieur des protons. Et donc cette charge nouvelle, qui a d'ailleurs été mentionnée dans l'interview de Gell-Mann, c'est ce qu'on appelle la couleur. C'est-à-dire que c'est une nouvelle charge qu'on attribue uniquement aux quarks et qui va apparaître uniquement en 3 types. Alors, bon, on appelle ça couleur, évidemment, ça ne correspond pas à de la couleur véritablement visible. C'est un nom poétique qu'on va donner. Et on donne 3 valeurs, rouge, vert et bleu. En fait, on a introduit ce nombre-là pour expliquer comment est-ce qu'on pouvait agencer ces quarks à l'intérieur des différents hadrons qu'on observait, parce qu'il y avait certains hadrons pour lesquels on avait un petit problème, c'est qu'on devait mettre les 3 quarks exactement dans le même état de façon à expliquer ce qu'on observait. Sauf que, comme Gell-Mann l'a mentionné, il y a ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli qui interdit ça, en fait. On ne peut pas mettre 3 quarks exactement dans le même état. Donc on a supposé qu'il y avait autre chose, à savoir une couleur qui permettait de différencier ces 3 quarks et qui permettaient de les mettre dans des états différents à l'intérieur des hadrons effectivement observés. Donc une fois qu'on a cette charge de couleur, on peut dire, eh bien, il y a une interaction reliée à cette charge de couleur, des gluons qui sont échangés entre des particules colorées, et on bâtit une théorie, des équations capables de décrire cela en analogie avec l'électrodynamique quantique. Alors on va essayer de réexpliquer, de compléter un peu tout ça. On peut donner justement pour que les gens comprennent 2 choses peut-être. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur d'un hadron, les quarks ne sont pas collés en fait. Ils sont, enfin, alors même si c'est difficile de se le représenter, ils sont les uns autour des autres, mais ils sont pas soudés les uns aux autres en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espace. Comment vous pouvez le préciser, ça, Raphaël Granier-Cassinière? Donc dans un. Alors déjà, il y a une chose qu'on a pas dit, mais que Sébastien vient d'évoquer à demi-mot, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les quarks déjà. Mmh. On peut en mettre 3 ensemble, ou on peut mettre un quark et un anti-quark ensemble, mais on peut pas faire les autres combinaisons. Donc ça, c'est important. Relativement important. Enfin, il y a d'autres combinaisons qui existent, mais en tout cas, on peut pas mettre, par exemple, 2 quarks ensemble, on peut pas. Il y a des règles précises. Un quark et 2 anti-quarks, on peut pas. Enfin, il y a des règles assez précises qui, justement, sont liées à la couleur. On va y venir. Donc, si on prend, et donc ça donne 2 catégories de particules, ce qu'on appelle les baryons, qui sont faits avec 3 quarks, et les mésons, qui sont faits avec 1 quark et 1 anti-quark. Si on prend un baryon, pour reprendre votre. Les baryons, c'est les hadrons, c'est ce qu'on a. Ouais. Les hadrons, c'est les baryons, ouais, et les mésons. C'est ça. Et puis peut-être même d'autres un peu plus exotiques qui ont été découverts plus récemment. Donc si on prend un baryon, donc dans lequel il y a 3 quarks, donc on peut imaginer effectivement qu'à l'intérieur de ce baryon, il y a à un moment donné 3 petites billes élémentaires, donc des quarks sur lesquels on peut aller taper. Mais il y a aussi dans un baryon une foultitude de gluons, mais c'est vraiment une foultitude, il y a beaucoup plus de glu en fait dans un baryon que de quarks. Et surtout, il faut imaginer ça comme quelque chose de complètement quantique, je sais, c'est pas facile, et complètement dynamique. C'est-à-dire que quand vous allez interagir avec un hadron à un moment donné, vous allez taper sur un gluon, vous allez taper, à un autre moment, vous allez taper sur un quark, et ça change tout le temps, en fait, avec des probabilités qui sont pas prédictibles par la théorie, mais qui sont relativement bien mesurées par l'expérience. Mais donc, c'est ça. Donc, il faut avoir la vision d'un proton comme une bille extrêmement dynamique à l'intérieur. Alors c'est marrant parce que quand on le regarde de loin, il n'est pas du tout dynamique. Tous les protons se ressemblent, c'est les mêmes, ils ont la même masse, ils ont le même spin, ça. Mais quand on va regarder à l'intérieur, à un instant donné, on va pouvoir trouver des configurations assez différentes, assez complexes, avec même de temps en temps, pourquoi pas, des quarks étranges. Même dans un proton, on peut de temps en temps aller taper sur un quark étrange. un proton à l'intérieur du proton peut pendant un temps infinitésimal créer une paire de quarks étranges avec un quark anti-étrange, et on peut le voir dans un proton. Donc un proton, ou un baryon, ou un hadron en général, c'est effroyablement complexe. Ce qu'on peut dire aussi, pour bien comprendre cette notion de couleur que vient d'évoquer Sébastien Descôtes-Genon, c'est que, comme, et on reviendra sur la charge électrique, comme il faut qu'à la fin les trois quarks aboutissent à une charge électrique entière, eh bien les couleurs, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bleu, un rouge, un vert pour arriver à faire du blanc, et donc en fait tout s'équilibre un peu naturellement pour toujours pouvoir faire du blanc. Je dis ça, vous pouvez me corriger. Non, c'est ça, c'est de là que vient l'analogie avec la couleur, en fait. C'est-à-dire que dans un hadron, il y a un quark rouge, un quark vert, un quark bleu, comme dans la télévision, ancienne formule. Et donc ça fait du blanc. Dans un meson, donc, où il y a un quark et un antiquark, il y a un quark d'une couleur donnée, et l'antiquark, il a l'anticouleur, donc c'est pareil, ça fait aussi du blanc. Ça, c'est une règle qui est un petit peu ad hoc dans la théorie. Et il y a autre chose aussi qui va dans le même sens que le principe d'exclusion de Pauli, c'est qu'on voyait aussi à l'époque, une des raisons pour lesquelles on sait qu'il y a trois couleurs, on voyait aussi à l'époque qu'on produisait trois fois trop de quarks, en fait, par rapport aux électrons, aux muons, aux autres particules qu'on connaissait bien. Quand on produit des quarks, il y en a trois fois trop qui apparaissent. Et en fait, c'est tout simplement qu'en fait, on produit les rouges, les verts et les bleus. Donc c'est ça qui a donné l'idée qu'il y avait trois couleurs plus les règles. Donc tout ça mis ensemble, ça a donné lieu à cette notion de couleur qui est le point de départ de la théorie, en fait. C'est grâce à la couleur qu'on a commencé à travailler les équations pour comprendre comment ça interagissait. Et c'est des équations que sont sorties les gluons, en fait. Et justement, donc, 1979, cette détection dans l'accélérateur de particules Petra du laboratoire DESY à Hambourg, d'après les travaux de John Ellis, Sébastien Descôtes-Genon. Oui, donc en fait, on était toujours au stade où on n'avait pas vu véritablement de quarks et de gluons isolés. Et d'ailleurs, même ce qu'on va évoquer n'est toujours pas une preuve directe, mais on s'était dit que lors de collisions énergétiques, on devait être capable de produire, comme l'a évoqué Raphaël, une paire quark-antiquark, mais parfois on pouvait aussi produire en même temps un gluon très énergétique. Et en fait, ce qu'on a observé et qu'on a interprété ensuite comme étant la trace de cela, c'est en fait des jets de particules, donc dans des directions bien précises. Et en fait, on analyse ça comment? En disant que chacun des quarks, antiquarks, gluons initiaux est parti dans une direction très vite. Et puis, au fur et à mesure qu'il a progressé, il a commencé à rayonner d'autres quarks, d'autres gluons, le long de la trajectoire initiale. Et au bout d'un certain temps, une fois que toute cette énergie s'est répartie dans les tas de particules, les quarks et les gluons se mettent ensemble et forment des hadrons effectivement observés, mais qui ont conservé la mémoire de la direction du moment initial. Et on a pu vérifier que ces informations étaient en bon accord avec les prédictions théoriques. C'est-à-dire que si on remplaçait chacun des jets de particules par un quark, un antiquark ou un gluon initial, on reproduisait très bien ce à quoi on s'attendait du point de vue de la théorie. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond. They spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. And I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the eyes of Alice. Tom Waits sur France Culture à 16h35. Alice, pourquoi Alice? Eh bien Alice, c'est A Large Ion Collider Experiment. C'est le grand collisionneur du CERN qui étudie les plasmas de quarks et de gluons. Et c'est exactement le thème de notre émission du jour. On a rarement autant tiré sur les cheveux pour trouver un morceau qui colle. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Granier de Cassagnac, qui est directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique, et Sébastien Descotes-Genon, qui est directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire de physique théorique d'Orsay. Alors, on a ce modèle qu'on a bien expliqué, avec les quarks d'un côté, les gluons de l'autre. On a entendu que depuis les années 60, on a un certain nombre d'expériences qui nous permettent non pas de voir, d'observer directement ces quarks et ces gluons, mais en tout cas d'être à peu près certain de leur existence via des effets, on va dire, collatéraux, entre guillemets. Peut-être qu'on peut dire un mot des problèmes maintenant que ce modèle pose, parce qu'il continue à y avoir un certain nombre de problèmes, et notamment... Alors, peut-être premier problème, celui qui, moi, m'a le plus retenu, puis on va grimper en complexité après. On a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, Raphaël Granier-Cassagnac, on peut constituer l'ensemble de la matière de l'univers avec deux quarks, up and down, et un lepton, l'électron. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de quarks? Est-ce qu'on a une idée de la raison de ce nombre, de cette fluctuation de particules, alors qu'il en faut si peu pour constituer à peu près tout ce qu'on connaît? Pourquoi il y en a 6? Non, on ne sait pas exactement pourquoi il y a 6 quarks. En revanche, pourquoi ils sont plus là et pourquoi la matière qu'on connaît est constituée des quarks up and down, ça c'est simple. C'est simplement parce qu'ils se désintègrent. C'est-à-dire que toute particule fabriquée avec des quarks étranges ou charmés ou des quarks B ou même le quark top qui lui-même, ne fait pas de hadron en fait. Toutes ces particules-là, toutes les particules qu'on peut fabriquer avec les quarks qui sont plus lourds, se désintègrent toutes. Donc on les crée dans nos accélérateurs de particules, on les observe même pas directement, hein, on observe le produit de leur désintégration. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus dans l'univers. Oui, en fait, ce qu'évoque Raphaël, c'est que c'est un peu comme l'équivalent d'une désintégration radioactive, mais au niveau des quarks. Donc un top va se désintégrer par exemple en bottom, en émettant un électron et un neutrino. Et donc ça, c'est des choses qui sont facilitées et aidées énergétiquement. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, lorsqu'on regarde le temps qu'il faut pour un de ces quarks pour se désintégrer, c'est très très rapide. Hein. Le bottom, c'est par exemple de l'ordre de la picoseconde, ou le charm aussi, c'est picoseconde. Le strange, c'est nanoseconde en fait. Donc évidemment, si vous ne les produisez pas pour les observer et immédiatement tout comprendre avant leur désintégration, vous avez déjà perdu. Et donc dans l'univers quotidien, même si on en avait un au coin de la rue, en fait, le temps qu'on parle ensemble, il aurait déjà disparu. Alors, autre question fondamentale, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a une théorie pour expliquer pourquoi ces constituants élémentaires se sont assemblés pour former des hadrons? Est-ce qu'il y a eu des quarks avant des hadrons? Est-ce que ça va dans l'ordre de la formation de la matière au moment de la création de l'univers? Raphaël Granier-Cassagnac. Ah oui, dans le scénario du Big Bang, il y a un moment clé dans l'histoire de l'univers qui se situe à peu près à quelques microsecondes après le début, si début il y a, dans lequel donc l'univers est une boule infiniment chaude, infiniment compact, infiniment dense, qui se refroidit. À cet instant-là, l'univers est essentiellement constitué de quarks et de gluons. Et paf, dès que la température devient suffisamment basse pour geler en quelque sorte les quarks et les gluons, se produisent d'un seul coup tous les hadrons après il se passe encore pas mal de choses dans l'univers, hein, mais se produisent les hadrons et les quarks n'ont plus d'identité propre. Ils sont confinés, comme on dit, en hadrons à partir de ce moment-là. et ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'éventuellement dans nos accélérateurs, on réussisse à recréer en quelque sorte cet état dans lequel était l'univers au tout début, mais alors on le recrée pour pas longtemps. Oui, mais au niveau d'énergie, pour le moment inatteignable, avec nos capacités technologiques. Comment se fait-il aujourd'hui, Sébastien Descotte-Genon, qu'on ne puisse pas arracher un quark à un hadron? Pourquoi est-ce que c'est juste une question d'énergie? Est-ce qu'on pourrait y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de confinement alors? Bon, alors en fait, c'est lié aux propriétés très particulières de l'interaction forte. En fait, une image que je donne souvent, c'est on pourrait essayer de faire une expérience de pensée pour se représenter ça. Donc prenez votre proton favori, et puis vous avez un quark D, et puis vous avez une espèce de pince, et puis vous imaginez. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais expérience de pensée, je suis théoricien, je peux me permettre ce que je veux. Donc je prends. On vous autorise tout ce que vous voulez, allez-y. Je prends ce quark down et je tire dessus et je commence à essayer de le sortir de mon proton. Et donc la distance entre ce quark down et les autres quarks commence à augmenter. Les propriétés de l'interaction forte font que, en fait, il faut de plus en plus d'énergie au fur et à mesure que je tire. C'est un peu comme une force de rappel, comme un ressort, si vous voulez. Et le fait est que vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous mettez de plus en plus d'énergie dans le système. Eh bien, à un moment donné, vous mettez tellement d'énergie que vous commencez à être rattrapé par la mécanique quantique et la relativité, qui sont les deux éléments fondamentaux pour comprendre l'infiniment petit. Et alors, ce qui est avantagé, à ce moment-là, c'est de convertir toute cette énergie en une nouvelle paire d'un quark et d'un anti-quark. Et donc maintenant, vous n'avez pas seulement deux quarks up, un quark down, vous avez deux quarks up, un quark down, et au milieu, vous avez cette nouvelle paire quark-anti-quark. Et tout ça se réagence, parce que c'est plus intéressant du point de vue énergétique, en trois quarks d'un côté, un quark et un anti-quark de l'autre. Donc bien, vous avez un hadron et un méson. Voilà, vous êtes parti d'un proton et vous avez récupéré deux hadrons. Eh bien, c'est fini, vous n'avez pas réussi à sortir votre quark. Raphaël Rennick, non, c'est exactement ça. C'est un baryon et un méson, mais peu. Un baryon et un méson. Non, mais je vous ai dit, je vous ai dit qu'il fallait me corriger. C'est vous les physiciens. Moi, je ne suis qu'un saltimbanque. Autre problème assez passionnant qui continue à vous arracher les cheveux, c'est ce problème de masse. La totalité de la masse des quarks ne représente pas la masse du noyau du proton, même si elle vient, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas longtemps au Journal des Sciences, d'être redéfinie à la baisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, Raphaël Rennick? Alors ça, c'est une chose qui me fascine le plus dans la... Donc notre masse à nous, elle est essentiellement contenue dans nos noyaux, hein, les électrons ne comptent pas, donc dans nos protons et nos neutrons. Et donc à l'intérieur d'un proton et d'un neutron, quand on va regarder la masse d'un quark up ou d'un quark D, quand on va diffuser dessus pour comprendre quelle est sa masse dynamique, si je puis dire, on se rend compte qu'elle est toute petite, en fait, c'est de l'ordre de quelques pourcents de la masse totale du proton et du neutron. 2%, je crois. Ouais, ça dépend si on prend le up, le down et la somme. Mais ça fait pas 10% du total. Et donc, elle est où? Elle vient d'où, la masse? Alors, elle ne peut venir, en gros, que des gluons qui collent les quarks entre eux. Gluons qui sont eux-mêmes de masse nulle. C'est ça qui est rigolo. Et donc, en fait, là, le plus gros de notre masse, c'est essentiellement l'énergie. E égale mc2, hein, l'énergie est une forme de masse, la masse est une forme d'énergie, qui colle les quarks entre eux dans nos protons et nos neutrons. Donc nous ne sommes que glu et que énergie. Sébastien Descotte-Genon, ça veut dire que la masse manquante, vous êtes en train de nous dire que la masse manquante du proton, des hadrons en règle générale, c'est juste de l'énergie. Oui, ça correspond à ça. Et en fait, c'est pas simplement une espèce d'affirmation dans le vague. Hein. Il y a un certain nombre de simulations numériques que l'on est capable de faire pour résoudre les équations qui décrivent l'interaction forte, pour vérifier que c'est effectivement comme ça que cela se passe, c'est-à-dire en partant uniquement des équations et en regardant quels sont les états que vous pouvez obtenir finalement, vous apercevez qu'effectivement, si vous mettez trois quarks ensemble, vous allez avoir la formation de protons qui vont avoir une masse de l'ordre de ce qui est effectivement observé. Donc ce mécanisme qui semble très très surprenant la première fois où on l'entend est effectivement validé par les calculs théoriques qui sont des calculs numériques cette fois-ci, ce ne sont pas des calculs crayon-papier, mais qui confirment parfaitement cette vision pourtant assez contre-intuitive. Mais justement, pour comprendre et mesurer cette différence de masse entre les quarks et les nucléons, accrochez un peu votre ceinture, on va rentrer dans le dur là, ça va être un peu technique. Bonjour Céline Lazen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire de la structure du nucléon à Saclay pour comprendre comment l'analyse numérique justement peut renseigner sur cette répartition de masse au sein du proton. Oui, on l'a dit, on ne sait pas bien comment la masse totale est répartie entre les quarks dans le proton. En plus, la somme des masses des quarks ne correspond pas à la masse totale de ce proton. Je suis allée voir Hervé Moutard, directeur du laboratoire. Pour étudier ce problème, il a développé avec son équipe un logiciel qui s'appelle Parton. Ce logiciel analyse les données issues des grandes expériences, comme celle d'Alice au CERN, pour donner des informations précises sur la localisation des quarks au sein du proton, une sorte de cartographie, ce qui permet de connaître plus précisément la distribution de leurs masses respectives. Voilà, et accrochez votre ceinture, ça secoue un peu les neurones, pas mais on vous explique tout après avec une explication de texte dans le détail. Alors, qu'est-ce que nous cherchons à voir ? La question de la masse. On a un nombre qui est la masse du proton et on essaie de comprendre comment cette masse est engendrée. Pour regarder les choses plus finement, on voudrait plutôt une densité. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que cette masse se répartit ? De manière un peu caricaturale, je dirais, est-ce qu'on a des grumeaux ou est-ce que c'est une pâte qui est homogène et est-ce que sa densité est à peu près uniforme ou est-ce que cette densité s'étale ? Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons voir. Et en plus, même si on pense au proton comme étant un assemblage de trois quarks, nous savons que nous avons une population de quarks et de gluons à l'intérieur de ce proton et ces quarks et ces gluons ne sont pas nécessairement au même endroit. Donc, où sont-ils et comment est-ce que ça se matérialise géométriquement sur la densité de masse ? Et puis les gluons n'ont pas de charge, les quarks ont une charge, donc on peut accéder à la densité de charge électrique. Donc maintenant, si on compare les deux, on a envie de dire quelque part que la densité d'énergie va nous renseigner sur la présence des quarks et gluons, la densité de charge va nous renseigner sur la présence des quarks. Comparons les deux, qu'est-ce qu'on obtient ? Et est-ce que ça nous renseigne sur la manière dont la masse est formée ? Comprendre comment on arrive à engendrer un proton qui pèse, on va dire, de l'ordre de 100 à 1000 fois plus lourd que les masses de ses constituants individuels. Parce que les gluons n'interagissent pas avec le champ de Higgs, donc n'ont a priori pas de masse. Effectivement, les gluons ont une masse nulle. Et pour les quarks, on arrive à estimer leur masse d'un point de vue théorique et d'un point de vue expérimental aussi, elle apparaît très faible. Manifestement, ce qui se passe, c'est que, comme l'interaction engendre de la masse, l'interaction est suffisamment intense pour engendrer énormément de masse sur une particule. Et donc la question se pose de trouver des degrés de liberté effectifs, ou ce qu'on appelle des quarks constituants, en fait, qui seraient des objets qui seraient massifs et qui permettraient de mieux comprendre comment la structure du proton s'organise. Donc la chose que l'on va mesurer n'est pas directement un objet qui va caractériser finement la structure en trois dimensions du proton, qu'est-ce que nous cherchons à connaître. C'est un objet qu'on va déduire des mesures. Donc on va mesurer une section efficace, et il va falloir déduire de la section efficace la quantité qui nous intéresse. Le chemin entre la quantité qui nous intéresse, qui est, on va dire, essentiellement le nombre de quarks portant une certaine quantité de mouvement située à un certain endroit du proton, est reliée à la section efficace que nous mesurons d'une manière qui est bien connue d'un point de vue théorique, et le jeu est de parcourir tout ce chemin de la manière la plus précise qui soit, de la manière la plus rigoureuse qui soit, en testant de manière systématique toutes les hypothèses et en propageant toutes les incertitudes que l'on peut avoir aux différentes étapes, aussi bien théoriques qu'expérimentales, tout le long de la chaîne de calcul, pour au final dire la distribution de quarks que nous vous montrons, c'est vraiment quelque chose qu'on a extrait de manière fiable des données expérimentales. Alors ces mesures proviennent de Alice du CERN ? Il y a beaucoup de mesures qui ont lieu à l'heure actuelle à Jefferson Lab aux États-Unis, en Virginie. Il y a des expériences qui ont lieu au CERN aussi. Donc les équipes de mon laboratoire sont présentes sur ces deux expériences-là. D'accord, alors ça c'est pour les sources de données, les expérimentations. Comment vous, après, vous les appréhendez et les analysez à travers les outils logiciels et simulations ici ? Eh bien déjà, il faut avoir un certain nombre de collègues expérimentateurs et ensuite on essaye de mettre ça en compte dans une machinerie assez lourde. Donc pour vous donner une idée, l'année dernière nous avons réussi à analyser d'un seul tenant quelque chose comme de mémoire 2600 points de mesure réalisés sur 30 observables différentes et collectés pendant 17 ans. Donc au final, on arrive à des codes de calcul qui représentent plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Ce logiciel qui s'appelle Parton. Tout à fait. En open source. Tout à fait. Il est fonctionnel aujourd'hui. Tout à fait. C'est quelque chose que nous utilisons au jour le jour. Donc en fait, c'est une là-dessus, nous avons pris donc notre code de calcul préféré, nous l'avons interfacé avec des réseaux de neurones. Et vous voyez ici un tableau qui montre l'ensemble des types de mesures que nous avons considérées, donc ce que nous appelons des observables. Donc il y en avait une trentaine différentes, pas seulement des sections efficaces, mais tout un tas d'observables compliqués que l'on peut obtenir en jouant sur le spin de la cible, le spin du faisceau, la charge du faisceau. On fait varier les paramètres. On fait varier tous les paramètres. Tous les paramètres que nous livre l'expérimentateur, nous les prenons tous. Nous prenons tout ce que les expérimentateurs nous donnent. Vous voyez les dates de publication entre 2001 et 2017 ici. Vous voyez les différentes collaborations qui ont produit ces nombres-là. Et vous voyez le nombre de points de mesure. Et en sortie, nous obtenons, par exemple, la courbe ici, là, de manière un peu cryptée, nous permet d'obtenir des informations sur la localisation des quarks, en l'occurrence, à l'intérieur du proton en trois dimensions. C'est une étendue de probabilité de présence de chacun des quarks. Oui, alors je vais vous montrer une courbe qui sera beaucoup plus parlante. Donc, ce que cette courbe-là vous donne, et cette courbe-là, nous l'avons obtenue à partir de données expérimentales. Vous voyez ici, en abscisse, la fraction d'impulsion qui est portée par un quark. Donc, le quark est à l'intérieur du proton, il porte une certaine fraction d'impulsion du proton. Et en ordonnée, nous voyons la distance du quark en question par rapport au centre de masse du proton. Et donc, nous avons accès à une sorte de dissection du proton, fraction d'impulsion par fraction d'impulsion. Donc, le but, c'est de le déduire de la comparaison de ces mesures-là. Donc, voir individuellement où sont placés les quarks, voir individuellement où sont placés les gluons, comparer tout ceci et voir en quoi cette distribution spatiale de masse ou de charge électrique nous renseigne sur le mécanisme qui a conduit à la former. Voilà ce reportage du jour au laboratoire de la structure du nucléon, au laboratoire de Saclay. Peut-être quelques mots pour expliciter un peu ce que l'on vient d'entendre, Raphaël Granit-Cassagnac. Donc juste pour revenir sur les dernières choses que Hervé Moutarde a mentionnées, on est effectivement rentré dans une ère là avec essentiellement les expériences à Jefferson Lab aux États-Unis et un peu au CERN. Je suis un peu étonné qu'ils aient mentionné Alice, je pense que c'est plutôt Compass au CERN qui a produit des résultats là-dessus. On est en train de faire la carte en 3D un peu de où sont les quarks à l'intérieur des protons et de voir, si je me trompe pas, que les quarks qui portent le moins d'impulsion sont plutôt à la périphérie avec un cœur plus dur, avec les quarks qui portent la plus grande impulsion des protons. Sébastien Descolgenon. Oui, et donc ça fait partie d'un programme général de mieux comprendre en fait cette transition entre les équations que nous avons d'interaction forte et ces manifestations. Donc on a déjà évoqué certaines propriétés de grande échelle, je dirais, comme la masse du proton, mais maintenant, un des aspects qui est évoqué ici, c'est vraiment de comprendre la structure détaillée, fine, de la dynamique de ces quarks à l'intérieur du proton, aussi voir si on est capable de déterminer comment cela varie en énergie, comment est-ce qu'on peut réutiliser cette information dans d'autres types de réactions qui font intervenir le proton. Ce qui est évoqué, c'est qu'on prend de l'information de différentes expériences pour essayer de les mettre ensemble dans un cadre cohérent. Et l'idée après, c'est qu'une fois que cette image est apparue, aussi de la réexploiter à nouveau dans d'autres expériences futures. Alors, on a parlé de ce problème de masse. Il y a un problème similaire avec le spin. On parle même de crise du spin, Raphaël Granit-Cassagnac. C'est quoi cette crise ? Ah, ça, c'est vieux. Ça commence à dater un petit peu. C'est dans les années, je pense, 80, où on s'attendait à ce que le spin... Alors, le spin, C'est un moment cinétique. Oui, c'est une espèce de moment cinétique intrinsèque, rentrons pas trop dans les détails, mais on pensait que le spin des nucléons serait essentiellement porté par les quarks, et les premières mesures ont montré que c'était pas du tout vrai, que les quarks emportaient qu'une toute petite fraction du spin des nucléons, et ça reste encore aujourd'hui assez mystérieux. On n'a pas quand même pas à l'avancer, on sait que c'est 25-30% de mémoire la proportion qui est portée par les quarks, on sait que les gluons portent pas grand chose, et donc on se dirige vers une image dans laquelle une grande partie de ce moment cinétique est essentiellement portée par le mouvement relatif des constituants les uns par rapport aux autres. Sébastien Descotte-Genon. Oui, alors c'est en partie inattendu parce que dans une image plus simple de type mécanique quantique, on se serait attendu à ce que ce soit pas du tout le cas et que tout le spin soit porté vraiment par chacun des constituants et que ce moment relatif ne soit pas du tout intéressant. Néanmoins, ça indique aussi probablement que cette vision simpliste de type mécanique quantique n'est pas suffisante pour comprendre la dynamique du proton, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, on arrive un peu aux limites aussi, là encore, de notre compréhension de la manière dont l'interaction forte agit entre les quarks. C'est à nouveau ce problème. On appréciera la conception du moment simpliste de type mécanique quantique. Un mot, Raphaël Granit-Cassagnac. Peut-être parce que aujourd'hui, expliquez-nous sur quoi portent vos travaux. Vous travaillez sur des plasmas quarks gluons. En quoi ces travaux peuvent nous permettre justement de comprendre encore un peu mieux la structuration de ces états bien essentiels et fondamentaux de la matière. Ouais, alors il y a la chromodynamique quantique, la théorie de l'interaction forte prédit depuis un moment déjà que si on arrive à chauffer ou à comprimer une grande quantité de hadrons, en principe, on libère les quarks et les gluons. C'est-à-dire que les hadrons fondent, un peu comme la glace fond, hein, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et les quarks et les gluons se libèrent, c'est ça qu'on appelle le plasma de quarks et gluons. Donc moi, mon métier, c'est un peu de militer pour la liberté des quarks et des gluons. Et ça, donc ça a été fait dans plusieurs centres de recherche. Le point clé, c'est de prendre des noyaux, de les accélérer très fort, donc de leur donner énormément d'énergie et de les envoyer les uns sur les autres. Donc des noyaux plutôt que des constituants élémentaires pour avoir une bulle de plasma de quark et gluon, une grande densité de matière. Et donc c'est ce qu'on fait. On l'a fait à Brookhaven dans un accélérateur qui s'appelait RIC, Relativistic Heavy Ion Collider, et on le fait aujourd'hui au LHC, au CERN, dans lequel il y a 4 expériences qui travaillent là-dessus. Là, une expérience dédiée qui s'appelle Alice, dont on parlait tout à l'heure et que Tom Waits a célébré avec nous. Atlas, CMS et LHCb. Moi, je suis dans l'expérience CMS. Et donc, notre travail, c'est d'observer ces collisions-là. Le plasma de quark et gluon dans nos collisions, il dure le temps qu'il faut à la lumière pour traverser un noyau. 10-23 secondes, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas très le temps de le voir. En revanche, le fait qu'il y ait cet état transient un peu qui ait été créé, ça change les propriétés des particules dans l'état final. Donc, nous, on observe l'état final, qui est un état final dans lequel il y a énormément de particules. Et on essaye de comprendre en observant toute une foultitude de ce qu'on appelle des signatures. On essaie de comprendre si le plasma a été créé et surtout, bon, on sait qu'il a été créé maintenant depuis déjà pas mal d'années, une quinzaine d'années. Et on essaie de déterminer ses propriétés, sa densité, sa viscosité, sa fluidité, ce genre de choses. Ce plasma quark-gluon, on sait si il existe ou s'il a existé à l'état naturel, cosmologique? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'univers a dû être dans un état, alors pour le coup, ça a duré beaucoup plus longtemps que 10-23 secondes, et puis c'était beaucoup plus dense, il y avait beaucoup plus de particules. Il a été dans cet état-là pendant les premières microsecondes après le Big Bang. Et il n'est pas exclu qu'il y en ait aussi dans le cœur de certaines étoiles à neutrons, qui seraient alors des étoiles à quarks, disons, mais on n'a pas encore de preuves expérimentales fortes d'une telle étoile. Dernière question pour conclure. Quelles sont aujourd'hui les certitudes que le quark est le dernier niveau insécable de la matière? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à descendre, puis à descendre, puis à descendre? Sébastien Descôtes-Genoux. On n'a absolument aucune garantie qu'on a trouvé. On parle toujours de particules élémentaires, mais c'est plus de l'orgueil de physicien de penser qu'on avait réussi à résoudre le problème, parce que toute l'histoire de la physique nucléaire et de la physique des particules, c'est trouver des sous-structures. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que aux échelles d'énergie auxquelles on a sondé la matière, aux distances auxquelles on est allé, on n'a pas trouvé de sous-structures, mais il n'y a absolument aucune impossibilité physique ou conceptuelle. On peut très bien avoir des sous-structures. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas la trace du début de la queue d'une idée, pour l'instant. On trouve, dans la littérature, la notion de préon. Oui, ça a été avancé à un moment pour régler, je sais plus trop quel problème théorique, mais c'est plus trop à la mode parce que on est allé regarder. Enfin, quand on diffuse sur des protons et neutrons, on voit qu'il y a des quarks. On peut avoir une idée de la taille maximale de ces objets-là, et c'est de l'ordre de 10-18 mètres. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc on en est là. On sait qu'il y a rien de plus gros d'élémentaire au-dessus de 10-18 mètres. À l'échelle de 10-18 mètres, les constituants élémentaires, ce sont les quarks et les électrons, les autres. Et le fait qu'on continue à monter en énergie avec le LHC sans avoir eu d'indication particulière de ce côté-là, indique simplement qu'on n'a pas besoin de cette hypothèse-là pour le moment. On n'en a pas besoin, mais est-ce que ça signifie que si on monte et si on arrive à monter encore et encore en énergie dans les accélérateurs de particules, si le CERN finit par construire cet accélérateur de particules de 100 km de long, circulaire, est-ce que ça veut dire que, eh bien, en augmentant la technologie comme ça s'est passé dans les années 60, eh ben, on va finir par accéder et trouver et réduire et réduire et réduire, ou est-ce que ça c'est un fantasme de science-fiction? C'est pas un fantasme de science-fiction. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'indication sur l'échelle à laquelle ça pourrait se produire. Donc à partir de ce moment-là, on peut monter en énergie et espérer et voir. Et c'est aussi une partie de la beauté de la science, c'est qu'on ne sait pas systématiquement ce qu'on va trouver. En montant en énergie, on ouvre des fenêtres de masse qui sont nouvelles, jamais explorées. On n'avance pas vite en termes d'échelle de distance, en fait. On ne va pas faire des bonds en échelle de distance colossaux avec un instrument comme le FCC que vous mentionnez à Mimo. Par contre, on va ouvrir des fenêtres de masse, donc potentiellement voir des particules complètement nouvelles. Et c'est là, on en attend certaines pour régler certains problèmes dans l'univers, comme la matière noire ou ce genre de choses-là. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. Merci Raphaël Granit-Cassagnac, merci Sébastien Descotes-Genon d'être venu nous parler de ces particules élémentaires. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain, et bien demain, un tout autre sujet, il sera question du digital labor, du micro-travail, de ce que la numérisation conduit à une forme de corvéabilité à merci. On en parle donc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.